Défi Sport sur Fadjet. Ici, on parle uniquement de sport féminin. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver cette année pour un nouvel épisode de Défi Sport, l'émission qui donne la parole aux filles qui font du sport. Moi c'est Cécile, et aujourd'hui je suis avec Amélie et Thaïs pour parler ce mois-ci de la pratique de sportive en période hivernale. C'est parti! Défi Sport sur Fadjet. Alors bonjour Thaïs, bonjour Amélie. Ça vous aura pas échappé ces dernières semaines, hein, mais c'est l'hiver, et comme nous sommes en Lorraine, on ne parle pas de temps sec et de température clémente, hein, on a quand même une pratique sportive extérieure, ça a forcément un impact. Donc c'est de ça dont nous allons parler aujourd'hui. Alors on va commencer par les présentations, on commence par toi Thaïs. Alors bonjour à tous, donc moi je suis Thaïs Paris, je suis athlète licenciée au Nancy Athlétisme Métropole et je pratique le demi-fond, principalement le 1500 mètres l'été et le 3000 mètres le cross l'hiver. Et à côté de ça, je suis également étudiante à la faculté de pharmacie de Nancy en 4e année. Ah bah c'est parfait comme présentation, moi je complète quand même. Hein. Championne de France junior sur 3000, alors tu me diras l'année juste. 2020. D'accord. Oui, championne de France Open sur 1500 mètres. 2021. Championne de cross espoir. 2022. Vice-championne de France l'année suivante, donc 2023, j'imagine. Non, ça c'était l'année suivante du 3000. Donc ah, 2021. Du 3000. Voilà. Championne de France par équipe sur 5 km. Hein. Cette année. RP, pour vous donner une petite idée, 4 minutes 22 sur 1500 mètres. Ça c'est le RP, donc personnel record. Je t'ai demandé ce qui t'a fait le plus plaisir. Tu peux nous dire plus pourquoi? Parce que c'était une année un peu difficile. J'étais pas très forte, que ce soit en entraînement ou en compétition. C'était quelle année du coup? 2022, il y a deux ans. Ok, il y a deux ans. J'arrêtais pas de faire des mauvaises performances. J'étais déçue de moi, surtout que l'année d'avant j'avais réussi à faire de bonnes performances qui laissaient présager des belles choses. Et au final, je vais au championnat de France, finis quatrième à un millième de la troisième place. La médaille en chocolat. Voilà. Un millième sur 4 minutes, c'est un peu rageant. Et puis la semaine d'après, on avait décidé de faire un 1500 mètres. Et c'était un peu comme ça, on va dire, pour finir la saison. Et au final, je bats mon record. Et je suis très très très contente de ce record. Donc voilà. Ça rebooste un petit peu. Exactement. Ça fait du bien. Alors je complète le palmarès avec... Hein... C'est moins prestigieux comme titre, mais quand même bien. Donc c'est championne Grand Est de cross par équipe depuis le week-end dernier. Bah, alors pourquoi je mets au milieu de tout le palmarès de championne de France, je cite le titre régional, c'est pour vous présenter la seconde invitée. Puisqu'elle partage ce titre, donc de championne Grand Est par équipe, donc je vous présente Amélie, coureuse hors stade, licenciée au Nancy Athlétisme Métropole depuis... L'année dernière. Voilà, donc 2024, on est en 2025, ouais, c'est ça. Mais c'est sa deuxième vie de sportive, parce qu'avant, elle était karatéka, c'est ça? C'est ça. C'est ça. Alors, j'ai la fiche du palmarès, hein. On a fait, j'ai une fiche A4, hein. Je ne vais pas tous vous la faire. On a sur la saison 2018-2019, catégorie junior, donc première médaille d'or Open d'Adidas, médaille d'or Coupe de France, cinquième au championnat d'Europe du Danemark, championnat de Méditerranée de Turquie, médaille d'or également. Bon, elle a commencé en 2018, 2017, 2016 et 2017, on était déjà sur des médailles de bronze et médailles d'argent, donc il y a eu une progression constante. Et là, changement de sport, elle est passée à la course à pied. C'est ça. En fait, le karaté, j'en ai fait pendant 11 ans, depuis que je suis toute petite. Et quand je suis arrivée en première année de médecine, donc il y a 6 ans maintenant, bah, j'ai arrêté et j'ai... Je courais de mon côté sans me prendre la tête pour me vider la tête par rapport aux études. Et puis l'athlétisme a pris mon cœur et c'est très dur de se remettre dans un sport de haut niveau avec les études que j'avais. Donc maintenant, c'est beau. Enfin, je m'amuse vraiment en course à pied et je m'épanouis. Donc me voilà. L'athlétisme a pris mon cœur. C'est merveilleux. C'est merveilleux comme expression, j'adore. Alors, karaté, c'est pas de l'opportunisme, c'était déjà une petite appétence pour la course à pied, quoi. Oui, vraiment, mais de mon côté. Et puis au bout d'un moment, j'en avais marre de courir toute seule. Mais ça fait 5 ans que je cours, mais vraiment pas régulièrement, quoi. Et quand tu faisais du karaté, t'avais un petit entraînement course à pied quand même pour le cardio ou pas du tout? Non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Ok, donc karaté, sport intérieur, ça le chauffait. Course à pied, sport extérieur, surtout hors stade, parce que du coup, il n'y a même pas de piste, il n'y a même pas de piste intérieure pour l'hiver. On n'en a pas, hein. Il y en a qui croient, mais on n'en a pas. Ça nous amène au thème du jour, la pratique sportive en période hivernale. Alors déjà, une petite question pour toutes les deux. Question bête, certes, mais est-ce que vous préférez faire du sport l'hiver ou l'été? Parce que entre l'hiver, bon, certes, il fait froid, il pleut, etc. Mais l'été, forte chaleur, c'est pas forcément meilleur non plus. Donc, vous préférez quoi, en fait ? Je préfère quand même l'été, personnellement. Déjà pour la motivation, rien que la motivation, je préfère l'été. Après, des fois, l'été, c'est quand même très compliqué quand il fait chaud. Ouais. C'est pas... Voilà, mais je préfère quand même l'été. Amélie ? Moi, je pense aussi, et surtout en termes de luminosité, enfin, courir toute seule dans le noir, parce que vraiment, du coup, j'ai un club depuis pas si longtemps que ça, et avant, c'était le footing le soir. Bah, c'est un peu stressant, donc vraiment, en été, à la fin de la journée, quand il fait encore beau, c'est, je préfère. Oui, ça, c'est super agréable. Et par forte chaleur, t'as déjà fait ? Ouais, et même les entraînements karaté, parce que dans le dojo, ça monte aussi très haut les températures. Ouais. Donc, mais c'était plutôt l'inverse. Je suis habituée, enfin, ouais. Ça va. Bah, la première question, ça sera pour Thaïs, parce qu'on est dans le haut niveau, et t'as peut-être plus de recul aussi qu'Amélie sur l'entraînement. Donc, pour s'adapter aux conditions climatiques, alors je précise pas du froid, de la pluie, etc. On est sur de l'hiver, on sait que c'est la Lorraine, hein, il pleut, il vente, il neige. Déjà, au niveau de l'échauffement, est-ce que t'as une adaptation ? Un petit peu. Déjà, on va potentiellement faire des footings plus longs. Ouais. D'échauffement, donc par exemple l'été on va faire que 20 minutes, l'hiver on peut faire 25-30, et entre l'échauffement et la séance on va faire des éducatifs, des montées de genoux, des talons-fesses, etc. L'hiver, moi je les enchaîne plus, par exemple entre mes montées de genoux et ma talons-fesses je vais essayer de revenir en trottinant, alors que l'été je reviens en marchant, pour essayer de me refroidir le moins possible entre l'échauffement et la séance, tout simplement. Par contre, il n'y a pas de durée allongée. Tu ne prends pas, je sais pas, 5-10 minutes d'échauffement de plus pour vraiment monter en température ? Non, l'hiver, je fais des plus longues lignes droites, par exemple, que l'été. Bon, moins rapide aussi, parce que les séances sont moins rapides, mais des plus longues lignes droites. Mais sinon, l'échauffement, il est à peu près de la même durée, je pense. D'accord. Il n'y a pas de... Même s'il fait... Bon, j'exagère, mais on a déjà eu du moins 3, moins 4, ça ne pose pas de problème. Non, parce que justement, on essaye de réduire le temps entre l'échauffement et le début de la séance. Okay. Donc en fait, pour pas se refroidir du coup. D'accord. Donc en fait, ça revient au même, je pense. Et toi, Amélie, est-ce que la température, c'est un facteur pris en compte dans le karaté ? Alors c'est en intérieur, mais comme tu dis, l'été, il pouvait faire très très chaud. Ça, on adaptait l'échauffement ou pas ? Non, nous, c'était plus en termes de comment on s'habille dans le dojo, mais l'échauffement, c'est tout le temps le même. Parce qu'en soi, il n'y a pas non plus des grosses amplitudes thermiques, enfin... En vrai, le dojo, c'est quand même un endroit chauffé. Et même si on a un effort qui peut être très intense, puisqu'on parle des combats de 2 à 3 minutes, et du coup, il ne faut pas perdre cette chaleur corporelle. Donc en hiver, on va peut-être mettre une couche en plus que l'été. Mais sinon, en vrai, ça ne changeait pas énormément les entraînements. Parce que la tenue de combat, elle est obligatoire quand même. Enfin, elle est réglementaire, tu ne peux pas la changer. Alors, ça dépend. Si, en vrai, c'est le kimono surtout par-dessus. Ouais. En dessous, on peut mettre ce qu'on veut. Et souvent, à l'entraînement, c'était plus tranquille. Donc, en été, on pouvait se mettre en short, t-shirt, ça passait. Enfin... D'accord, ok. Donc, on adapte quand même, oui, mais dans l'autre sens. Complètement. En intérieur, quand même. Est-ce que vous avez plus de blessures l'hiver ? Non, dû au froid, Non, je sais pas. En tout cas, pour moi, non, parce que je fais du demi-fond. Ouais. Après, je pense que les sprinteurs, par contre, oui, parce que c'est vrai que ça va vite de se claquer un muscle. Après, voilà, en demi-fond, on ne fait jamais des efforts. Enfin, c'est très rare de faire des efforts très brutaux. Alors que les sprinteurs, oui, et je pense que ça va être très dangereux pour eux, pour le coup. Mais toi, t'as pas remarqué spécialement de blessures ? Non, après, moi, je me suis beaucoup blessée l'hiver, mais ça n'a rien à voir avec le froid. Ouais. Donc, ou même une glissade ou un truc comme ça, non ? Non. Non. Pas par rapport au froid. Non, pas par rapport au froid. Non. Amélie, non plus ? Moi, j'ai pas assez d'expérience pour... pas assez d'expérience. Je me blesse pas. Ouh, que si. Et est-ce que vous avez des zones plus sensibles que d'autres ? Oh oui. Oh oui. Des extrémités, j'imagine. Oui, en plus j'ai le syndrome de Raynaud. Ah bah tiens, alors voilà. Ah bah voilà. Donc ça n'aide pas. Donc les mains, c'est vraiment horrible l'hiver. Ouais. Si un jour j'oublie mes gants, c'est un enfer quoi, de courir sans les gants. Et même les gants, il faut qu'ils soient d'une certaine épaisseur, sinon c'est pas possible quoi. Alors Amélie, je te passe la parole parce que tu es quand même en médecine, donc tu peux nous rappeler le syndrome de Raynaud, juste les manifestations. En fait, c'est une maladie qui touche une femme sur 10 en France, donc c'est très fréquent. Ah oui, quand même, ouais. Et c'est les vaisseaux de nos extrémités, que ce soit les mains ou les pieds, ça peut être à d'autres endroits, ça peut être le nez, les oreilles, mais ça c'est des formes plus avancées, qui vont au froid ou au changement de température, même si c'est pas un froid extrême, juste se spasmer et du coup les doigts deviennent blancs. Se spasmer. Oui, elle se rétrécit, il n'y a plus de sang qui passe. D'accord, en fait. Okay. Elle se contracte à cause du froid. Et donc, c'est pas dangereux en soi, on va pas perdre nos doigts, mais ça fait mal. Ça fait mal. Ouais. Et du coup, comment tu gères, toi ? Enfin, à part les gants, sinon il y a de la crème, il y a quelque chose à mettre ? Il n'y a pas de traitement, il y a un traitement, mais c'est dans les formes. Il a des effets indésirables et c'est dans les formes très très sévères. Enfin. Et puis je suis pas assez expérimentée en médecine pour dire qui peut le prendre ou pas, mais en général on dit qu'il y a pas de traitement. D'accord. Et donc au niveau sportif, c'est pas handicapant, c'est gênant mais pas handicapant. Bah ça fait pas les pieds aussi. Ça fait les pieds aussi. Ouais. Mais je sais pas si c'est pareil pour Thaïs, mais moi quand je cours j'ai pas. C'est avant ou après. Moi, j'ai pas pendant. Au niveau des mains. Ouais. Enfin, pas en pleine séance, mais je peux l'avoir à la récup par exemple. Mais par contre au niveau des pieds j'ai jamais eu en courant. Ah d'accord, bah, je sais pas, le pied chauffe. Oui, je pense que vu qu'il un peu bouge plus. Quand même pas ouais. mal, je pense pas que... On spécule. Hein. Alors on va faire une petite pause musicale tout de suite, proposée par Amélie, je te laisse présenter. Et bah du coup, dans cette période hivernale, moi il y a une musique que j'aime bien mettre en ce moment pour me motiver avant les séances, et bah voilà, je vous laisse la découvrir. Donc c'est ta motivation, ta musique de motivation de séance. C'est ça, du coup la musique c'est... That's come, wait for me. C'est parti! Défi sport sur Fadjet, exclusivement consacré au sport féminin. De retour dans Défi Sport et on accueille Lise. Bonjour tout le monde. Alors, les seules statistiques que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que en moyenne, les Français pratiquent seulement 8 minutes de sport par semaine contre 1h30, entre 1h et 1h30 l'été. Il faut savoir aussi que pour les plus courageux, l'hiver nécessite des adaptations parce que pour le sport en extérieur, on perd environ 5 battements de cœur, de battements cardiaques par minute. Thaïs pourra vous en parler. Et donc, c'est important quand même de bien s'échauffer. Et aussi, il y a une théorie, c'est la théorie des trois couches. T-shirt synthétique, polaire et veste coupe-vent. Et bien sûr, bien protéger les extrémités. Et ben merci Lise. Défi sport sur Fadjet, exclusivement consacré au sport féminin. Et nous sommes de retour avec Amélie et Thaïs, donc pour parler toujours pratique sportive en période hivernale. Alors on a vu avec Lise qu'il y a des adaptations physiologiques du corps aux températures extrêmes. Et donc là, on va parler, pour amener un petit sujet qui sera illustré par Thaïs, quelle adaptation vous faites, une petite question, en cas de sol impraticable. Donc on a eu la semaine dernière par exemple, la piste était gelée, comment vous faites pour vous adapter? Il y a différentes solutions, la première solution c'est changer de lieu s'il y a une autre piste par exemple qui a été salée ou quoi que ce soit qui est praticable finalement. Mmh. Ou on intervertit les séances. Par exemple, si on a séance le soir où c'est gelé, le lendemain on avait juste footing par exemple, bah, on échange les deux. Ou alors on va sur tapis roulant en salle par exemple. Ah oui, vous avez l'option tapis roulant. Oui, bah, moi j'en ai un chez moi, ou alors on va à Basic Fit tout simplement. Faire les séances sur tapis qui peuvent du coup être adaptées parce que c'est quand même pas pareil que faire dehors. D'accord. Et toi, Amélie, l'option tapis roulant, tu as ou pas? Mais moi, oui, j'ai un abonnement à Basic Fit. Et aussi, t'as l'option tapis roulant. Et donc, ça t'est déjà arrivé en cas de période, enfin de piste impraticable où alors il fait vraiment trop moche, t'as pas envie de sortir, de prendre l'option tapis roulant? Ouais, en vrai. Et puis surtout aussi pour les allures, parce que moi j'ai eu des. Enfin, il y a les allures pour pas les dépasser. Et aussi, quand il pleut, il fait froid. J'avoue que le confort de la salle de sport, de temps en temps. Bah oui, t'es comme ça. Tu ne sors pas par tout temps, en tout lieu. Ça dépend. Ça dépend de la motivation. Ouais, c'est ça. Ça dépend de la motivation. Alors, je parlais de sol impraticable parce que Thaïs... alors Amélie t'a connu aussi, mais Thaïs, on va revenir sur un événement récent. C'est les championnats de cross départementaux de Dombasle qui ont fait un petit buzz sur les réseaux sociaux. Parce que il y a eu, alors c'était froid, c'est une chose, mais il y avait surtout un sol hyper détrempé avec un endroit où il y avait au moins 30-40 cm d'eau, je pense. Oui, ouais. Voilà. Ça m'arrivait au-dessus des genoux. Au-dessus des genoux, ouais. Voilà. T'es pas non plus très petite. Au-dessus des genoux. Et donc, le buzz pour la petite histoire, c'est qu'il y avait tellement d'eau qu'il y a un des coureurs qui a plongé en mode piscine. C'était juste derrière toi. Sur la vidéo, on voit qu'il était juste derrière toi et toi, tu n'en es pas rendu compte tout de suite. Donc, tu peux nous raconter, je te laisse raconter. Et c'était vraiment une mare, finalement. Un étang. Voilà, quelques dizaines de mètres. Et puis, moi, je passe une première fois. Et puis, derrière moi, j'entends vraiment plein de gens applaudir, crier, etc. Je ne comprends pas. Et le soir, en rentrant, je vois du coup la publication où je me vois courir et derrière, on voit le... l'athlète plongé dedans. Et d'ailleurs, Léon Marchand a commenté cette publication. Voilà. Donc, plutôt pas mal. Alors ça, c'était pour l'anecdote. Mais du coup, comment t'as vécu ce moment, notamment au niveau du froid? C'était pas agréable du tout. Ouais. Franchement, je m'étais bien échauffée pour le coup. Mmh. Et en gros, ça arrivait au bout de 1 km de course, je dirais, sur 4,5. Et en fait, ça m'a complètement refroidie. C'est-à-dire que j'ai eu très très froid aux pieds et aux mollets. Et franchement, il m'a fallu bien 1 km, voire 1,5 km pour me remettre dans la course. Donc ça bien sentir les sensations, quoi. Ça a impacté ta course. Ah oui, clairement. Clairement. C'était horrible. Après, au final, en cross, il n'y a que la place qui compte. Mm. Et du coup, ça a impacté tout le monde. Donc, oui, tout le monde est à la même ancienne, tout le monde passait au même endroit. Il n'y avait pas de chrono à aller chercher ou quoi que ce soit. Mais c'était vraiment horrible, c'était vraiment pas agréable, quoi. Et pas de conséquences après la course, je veux dire, ça s'est réchauffé quand même, c'est revenu, t'as pas attrapé le rhume ou... Non, mais voilà, il m'a fallu bien entre 5 et 10 minutes de course pour me réchauffer, vraiment me ressentir des sensations finalement. C'est un élément marquant, quoi. Oui, de la course, c'est un élément marquant. Ça c'est clair. Alors Amélie, t'étais pas sur la même course exactement, donc t'es pas passée dans ce marécage-là. Mais t'avais d'autres marécages, avec notamment les pieds mouillés, et au niveau rénaux, c'est pareil, est-ce que t'as ressenti quelque chose? Bah, en vrai, nous, on n'avait pas beaucoup de profondeur, mais on a eu plus de longueur, je dirais, en termes d'eau, et vraiment, les plusieurs centaines de mètres après, j'avais l'impression que mes pieds n'existaient plus, je marchais sur du coton, et après, pareil, on recourbe, nous, on est passé trois fois au niveau, à chaque fois en fait les 500 mètres qui suivent, bah, les pieds il faut plus compter dessus, donc ça fait mal, mais bon, on serre les dents, c'est une course, c'est pas grave. Et après la course, moi j'avais rénaux par contre. Après la course? Ouais, j'avais les chauffettes et tout, et je me suis pas réchauffée jusqu'à ce qu'on retourne dans les voitures. D'accord. Et pas de conséquences le lendemain quand même, ça finit par revenir? Oui, dès que je suis dans une source chaude, que j'ai réchaud, ça revient. Une source chaude. Merci pour ce point. Ah oui, j'avais une dernière question, c'était au niveau des capacités respiratoires par temps froid, par temps très froid. Est-ce que vous le ressentez au niveau pulmonaire? Toutes les deux, je sais pas qui commence. Moi, les premiers jours où il fait très froid, je vais être essoufflée très rapidement. Ouais. Et j'ai déjà eu, il y a un mois, un truc comme ça, les premiers jours où il a vraiment fait des températures négatives, quoi. J'avais un entraînement où c'était de la vitesse avec très peu de récupération. Donc j'étais très essoufflée, et en fait à la fin de l'entraînement j'ai dû supprimer deux courses parce que j'avais les poumons qui me brûlaient, quoi. Ah oui. C'était impossible de recourir parce que dès que je recommençais à être essoufflée, j'avais les poumons en feu. Et après par contre, une fois que j'ai fait 2-3 séances dans le froid comme ça, je ressens pas trop... On s'habitue. Oui voilà, je pense qu'on s'habitue un minimum. Un minimum. Oui. Et toi Mélie, t'as donc une pratique plus récente, mais t'as déjà ressenti des contraintes avec le froid au niveau respiratoire? En vrai, ça m'a jamais empêché de courir, mais c'est vrai que les premières séances, je les trouve difficiles, et je trouve qu'après, moi j'ai tendance à un peu tousser comme si j'étais irritée après la séance, mais le lendemain c'est passé. C'est passé. Ouais, mais je sais que, je sais que le froid, ça peut favoriser pour les personnes asthmatiques, des crises d'asthme, ça a vraiment un impact physiologique au niveau des bronches. Ça rétrécit quoi, vraiment. Ouais, ça rétrécit. Et au niveau chrono, toi, t'as peut-être plus des références, Thaïs, d'impact de froid? Ouais, ce qui est le plus difficile, je pense, c'est tout ce qui va être allure rapide. Ouais. Que ce soit du sprint, tout simplement, mais aussi des allures spécifiques 15 temps, par exemple. C'est vraiment très, très compliqué. Mais même au niveau des jambes, rien que d'avoir les jambes un peu froides. Pas que respiratoire, musculaire, alors. Oui, ouais. D'accord. C'est vraiment super dur, je trouve, d'arriver à être là musculairement, en fait. Quand il fait vraiment froid, ou alors dans les séances où il y a des longues récupérations, c'est super dur de se maintenir chaud, on va dire 5, 6, 7 minutes, alors qu'il fait moins 5 dehors. Ouais, c'est ouais. Super dur. Et toi, Mélie, musculairement parlant? Et moi, j'ai fait l'expérience il n'y a pas longtemps, il pleuvait, ouais. Et il faisait froid en même temps, et on a le legging, et en fait, il reste mouillé. Et là, le combo mouillé plus froid sur les jambes, la séance-là, je me trouvais lente, lourde, alors que c'était les mêmes allures que d'habitude, mais je l'ai beaucoup plus souffert. Plus subi, quoi. Ouais. Ouais. Donc c'était plus une mauvaise adaptation des vêtements, on va dire, ou... Peut-être que c'était pas le legging adéquat quand il pleut, mais vraiment, le fait qu'il soit mouillé et que ça sèche pas, dur. Dur. Des fois, il vaut mieux être en short quand il pleut, franchement. Oui, c'est moins lourd à porter. Oui. Alors, on arrive à la fin de cette émission. Avant de nous quitter, j'aime bien toujours demander l'une et l'autre ce que vous avez pensé du témoignage de l'autre. Alors, comme vous êtes un peu sur la même pratique sportive, enfin, le même sport, c'est pas exactement la même pratique. Et par contre, Thaïs a un peu plus d'expérience et Amélie, t'es un peu plus récente dans la discipline. Est-ce que t'as des questions à poser, par exemple? Est-ce que du coup, d'avoir entendu Thaïs parler, ça t'aurais des conseils à lui demander? Mais moi, en fait, j'ai plein de questions parce que... Vas-y, c'est le moment. Enfin, tous les termes techniques, etc. Même, un exemple tout bête, c'est Cécile, je me souviens, les premières séances que je venais, c'était en été, et tu me disais, mais arrête de mettre tes t-shirts en coton. Enfin, vraiment, là, je découvre tout encore. Donc, forcément, tout ce qu'elle dit, c'est intéressant pour moi. Et je pense que j'aurais beaucoup à apprendre. Mais peut-être qu'en peu de temps, j'aurais pas le temps. Donc, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui commence l'athlétisme? En hiver. Déjà, je pense que pour ce qui est vestimentaire, ce qui marche le mieux, c'est la technique de l'oignon. Vraiment, de mettre... en tout cas, moi, je mets une sous-couche, un pull par au-dessus, mais à chaque fois, c'est fin, en fait. Une sous-couche, un pull et une veste, elles sont toutes... Enfin, tout est fin, mais au final, ça tient chaud. Ok. Après, bah, bien s'échauffer, bien sûr, hein, pour éviter tous ces claquages, etc. Et après, voilà, ça dépend de la sensibilité de chacun du froid, quoi. Ok. C'est bon, t'es rassurée? Ça devrait aller. Et toi, Thaïs, tu te reconnais dans le témoignage d'Amélie à tes débuts? Ah oui. C'était les mêmes questions? Oui. Ouais. Oui. Moi, j'ai eu vraiment beaucoup de... Enfin, même maintenant, en fait. Soit je m'habille trop, soit je m'habille pas assez. Enfin, je sais jamais comment m'habiller, en fait. Puis même en fonction des séances, il y a des séances où, pour une même température, on va avoir chaud, alors que la séance d'après, on va avoir froid. Enfin, c'est grave compliqué, en vrai. C'est très compliqué. C'est vrai qu'on est dans ce trimballe avec des sacs de sport de plusieurs kilos pour pouvoir tout mettre dedans, quoi. Eh ben, merci bien. Défi sport sur Fadjet, exclusivement consacré au sport féminin. Merci de nous avoir écoutés, merci Amélie, merci Thaïs. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode de Défi sport, l'émission qui donne la parole aux filles qui font du sport. Merci.